Ce monde baissera quand il fera preuve d'humilité. Je pute les hommes textuellement, tu seras pas veuve d'un militaire. Ta carrière, vois-tu, va s'imbriquer. Que j'éclaire mes pensées, sont je suis bien qu'on sent que mes textes sont assez proches de la pendaison. Aux uns des tiens, tu te sens fort, la solitude est plus que toi. Si t'as le diplôme du plus con, demande leur un duplicata. S'applique à toi, tout comme à moi, la façon de vivre qu'ils nous imposent. Wesh poteau, serre-moi un sky, que l'inspi vienne pendant que le cousin pose. Casse tes os, vrai qu'ils obtiennent, j'espère pour vous que les sous viennent. Vos ennemis sont les miens, on les enterre, ses pieds sont d'air. Et puis sans faire dans la dentelle, que les plus cartes leur parisie. Mon entourage est un bordel, y'en a trop à ce temps par ici. Y'a mes alcoolos, ouais, mes fumeurs qui butent un fouet. Quand enfoiré, sachez que mes textes n'ont pas l'humeur de Guy Bédo. Ça vient d'MPC et d'écoute, ça se pivote chic et mon dégoût. Zivren, vas-y poteau, pose ton 16 que l'on t'écoute. Qui t'a dit que les temps ça max, ça sert à rien. On est hâle, comme ceux qui viennent au monde par césarienne. J'mets une 40 à César, personne n'est fait pour vivre ici. J'n'ai rien à conquérir pour dire véni, vidi, vici. Qui t'a dit que les temps ça max, ça sert à rien. On est hâle, comme ceux qui viennent au monde par césarienne. J'mets une 40 à César, personne n'est fait pour vivre ici. J'ai rien à conquérir pour dire veni, vidi, vici. Mino, c'est Zifren, c'est tardivement que je m'amène. J'ai pas d'excuses pour l'attente, mais plutôt une putain de flemme. Je me traîne, entouré de gens moroses et de cœurs remplis de peine. On pose, rempli de thèmes, on s'impose malgré ce putain de système. La symbiose, je la connais pas, poto, elle est trop malsaine. Je suis de ceux qui pensent que les sentiments riment avec problème. J'ai construit un dialogue avec des vieilles rengaines. J'ai gueulé dans le microphone jusqu'à en perdre haleine. Je me suis fait prendre pour un con pour croire en un je t'aime. Je me suis fait prendre pour un pion par beaucoup plus d'une chaîne. Ouais, ma couille, je tourne en rond. Fallait que je te l'apprenne, que tu comprennes que beaucoup de potes me manquent. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Je suis ignorant de plein de choses, le tout coule dans mes veines. Dans mes rêves, les vrais me comprennent, l'atmosphère devient saine. Alors j'harcèle le papier jusqu'à satisfaction authentique en vérité. Je nique la contrefaçon. Qui t'a dit que les temps ça max, ça sert à rien? On est hâle comme ceux qui viennent au monde par césarienne. Je mets une 40 à César, personne n'est fait pour vivre ici. Je n'ai rien à conquérir pour dire veni, vidi, vici. Qui t'a dit que les temps ça max, ça sert à rien? On est hâle comme ceux qui viennent au monde par césarienne. Je mets une 40 à César, personne n'est fait pour vivre ici. Je n'ai rien à conquérir pour dire veni, vidi, vici. L'égalité n'existe pas, moi je suis navré d'être à l'air. J'étais content de trouver du taf jusqu'à ce qu'on me fasse laver la merde. Si j'étais nourri d'espoir, j'aurais le physique d'un somalien. À pas remplir nos assiettes, nos vies se réduisent en somme à rien. Ils ne savent pas de quoi s'ils parlent, mais parlent d'esclavage dans leur texte. Comme si je pouvais me mettre à la place d'un poilu qui avait la guerre. Les rappeurs seraient prêts à mettre un string pour 6 sous, y'a pas 10 sous. Les potes comprennent pas pourquoi je pleure quand je suis sous. Je fais mon signe de croix quand ta signe fait référence à Dieu. Ouais, je brûle, y'a des vrais, je suis prêt à prendre une race à deux. J'ai le sentiment de ne connaître que des gens qui mentent. J'ai le sentiment c'est mon avenir et pas de licenciement. Moi j'aime la rue, mais je suis confié pas mon boss. Et Mani m'agace comme son regard aussi noir qu'un ami malgache. Ma ganache introuvable dans un sampleur de rap mag. Les trois carapes mal, je les ai vus faire leur carnaval. C'est sale d'être prendre le large, on veut tous vieillir avant l'âge. Faire ses bagages, partir loin sans devenir un personnage. J'ai de la marge dans le rap pour faire des ravages, fais le ménage. Dans ma tête inquiète, t'es linçage pour gratter toutes les pages de ce putain de cahier dans lequel j'ai appris ma rage. Contre les traites, y'a sans bafoué, je suis tombé dans l'engrenage. Quand l'entourage devient barge, quand certains quittent les parages. Quand un oncle renie sa famille et que du respect il perd l'usage. J'suis usé, drusé pour dans ma tête partir en voyage. Tu sais que ces gamines voient avancer l'âge du dépuissage. Donne-moi de l'oseille ou je me mets à faire des braquages. Passe-moi un paftard ou avec les gars ça finira en squattage. Amène-moi l'apéro ou ça sent le cambriolage. À quand remonte la dernière fois que j'ai été à la plage? Si je peux faire autrement, je t'assure, tu changerais le modelage. Vous pouvez emmurer le porche des godières, dès qu'on peut on dégage. Tu t'as dit que les temps ça max, ça sert à rien. On est hâle comme ceux qui viennent au monde par césarienne. Je mets une 40 à César, personne n'est fait pour vivre ici. Je n'ai rien à conquérir pour dire veni, vidi, vici. Qui t'a dit que les temps ça max, ça sert à rien. On est hâle comme ceux qui viennent au monde par césarienne. Je mets une 40 à César, personne n'est fait pour vivre ici. Je n'ai rien à conquérir pour dire veni, vidi, vici. Minos pour la mixtape, Local Records, frère. Nivek, PRO, tout le monde, toute l'équipe. Rookie, tous ceux qui participent, on est là. Local Records, frère. Ceux qui sont présents, Jérém, Seb, Baptiste, Vida, Bruce, dédicace aux Cambodgiens. Dédicace à tout le monde, on est là, mon frère. Minos, Zifred, on est là pour la mixtape. Local Records, frère. Vas-y, mets-moi du son, cousin. C'est enregistré, mec. Eh, vas-y, pousse le son, frère.